Dans une tranche matinée, je me suis baladé dehors avec un magnifique soleil. Qu'est-ce que je vois? Une marguerite! Oh, marguerite, oui! J'étais présenté à mon bon papa. Et mon papa était très gentil. Il a offert... Merde. Il a offert un... Un super 8, oui, super 8! Voilà, super 8, j'en étais au super 8! Après, t'en fais une commande! Mais j'ai eu le tableau de son frère, pour mon tonton, oui! Après, un super armoire pour ma team, qui te s'habite, super jupe, tout pour être joli, oui! Marguerite! Après, un téléviseur, un magnétoscope, tout pour être heureuse! Un lave-vaisselle, une machine à laver, un fer à repasser, une table à repasser, ouais! Un lit à deux places, ouais! Marguerite! Et qu'est-ce qui se passe? Tu te plais pas de ton nouveau pot de fleurs? Non! Tu te plais pas? Non! Non, Marguerite! Oh! Quoi faire, Marguerite? Oh! J'étais tout offert, et t'as tout offert! Toute la patience pour te faire. Marguerite! Marguerite! Marguerite! Marguerite! J'étais mis Mitterrand dans ton joli face pour te faire repousser pour avoir une nouvelle forme. Marguerite!